Bonjour fidèles auditeurs de la radio Sanganiro, c'est l'heure de suivre l'édition de la mi-journée du journal parlé en langue française dont voici le sommaire. La convocation d'un congrès extraordinaire du parti FNL, telle est la demande des représentants provinciaux des organes et dirigeants de ce parti. Dans une ordonnance, dans une correspondance leur adressée, le président de ce parti, Jacques Ebigirimana, et son comité exécutif qualifient cette correspondance d'inutile car contraire au texte régissant ce parti. Un surplus de 115 milliards sur les recettes prévues pour l'exercice 2019-2020 a été enregistré par l'Office burundais des recettes OBR. Audace Niyonzima, commissaire général, explique que cette augmentation des recettes est due à la hausse du nombre des contribuables et non à la hausse des taxes. 99 employés de la Sogestar Kirundo, Ngozi et Muyinga ont organisé un sitting au bureau provincial de Kirundo, réclamant les arriérés de 15 mois de salaire et les contributions à l'INSS. Ils demandent une réponse à 3 lettres adressées au gouverneur en vue de les aider à résoudre ce problème. Le gouverneur de Kirundo interpelle les dirigeants de la Sogestal de régler ce différend en accord avec le Code du travail. Voilà pour l'essentiel. À la présentation de ce journal, vous êtes avec Armel Mutore. Toussaint Mitebouti est à la cabine technique. Bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Rebonjour, débutons ce journal en page économie. Plus de 1000 milliards de francs burundais sur des prévisions estimées à 908 milliards de francs bou ont été collectés par l'Office burundais des recettes OBR pour l'exercice 2019-2020, soit un surplus de 115 milliards de francs bou. Audace Niyonzima, commissaire général de l'OBR, l'a déclaré ce vendredi lors de la célébration de la journée dédiée aux contribuables. Il explique que cette augmentation des recettes ne résulte pas d'une revue à la hausse des taxes, mais plutôt de l'augmentation du nombre des contribuables et une bonne organisation des services de l'OBR. Suivez Audace Niyonzima au micro d'Ezekiel Ndikumwenaï. Actuellement, il n'est plus à démontrer la capacité de l'OBR depuis sa création en 2009 à collecter professionnellement et administrer efficacement les recettes à travers des procédures claires et régulièrement mises à jour. C'est dans ce contexte que les recettes n'ont cessé d'augmenter d'année en année, passant de 362 milliards en 2010 à 1024 milliards pour les exercices 2019-2020 contre un objectif de 908 milliards qui était prévu pour l'exercice 2019-2020. L'exercice 2020-2021 s'annonce aussi prometteur car les recettes totales collectées de juillet à septembre 2020 s'élèvent à 281 milliards sur 261 milliards qui étaient prévus, soit une performance de 107,9%. Les réalisations de ce trimestre en termes de collecte des recettes dépasse de 29 milliards le montant collecté au cours de la même période de l'exercice précédent, soit une croissance de 11%. Durant le même exercice 2019-2020, l'Office burundais des recettes a enregistré 16 011 nouvelles immatriculations, donc nouveaux contribuables, dont 10 729 personnes physiques et 5 282 personnes morales. L'OBR a également localisé 6 554 contribuables et fiscalisé 6 413 contribuables, ainsi que 115 contribuables qui ont eu des certificats d'enregistrement à la TVA. Audace Niyonzima précise également que l'OBR a lutté contre la fraude et la contrebande. Je vous propose de suivre encore une fois au micro d'Ezekiel Ndikumwenaï. Et quant aux activités de lutte contre la fraude, la contrebande et la corruption, 2326 procès-verbaux de saisie de marchandises ont été établis, un montant de 1 257 578 516 BIF a été recouvré. Les actions conjointes de l'OBR et de la police nationale du Burundi ont permis la saisie de diverses marchandises frauduleuses. Les enquêtes sur différentes taxes internes et droits de douane ont permis de clôturer 174 dossiers avec supplément de 4 355 820 448 francs burundais. Et quand on parle de fraude, il ne s'agit pas seulement de la fraude douanière et la contrebande. Il s'agit également de la fraude fiscale, c'est-à-dire par exemple des cas de minoration du chiffre d'affaires pour échapper à l'exigibilité de la TVA. La non-déclaration des impôts sur le revenu, l'OBR parvient à intercepter les fraudeurs grâce à l'implication des partenaires et la population qui ne cesse de les dénoncer. Ces bons résultats sont le fruit de diverses initiatives et actions qui ont été entreprises dans le but d'améliorer la collecte des recettes et la prestation de services. Celles-ci incluent notamment la collecte efficace des recettes, l'immatriculation de nouveaux contribuables, la localisation et la fiscalisation des contribuables œuvrant dans le secteur informel, le contrôle fiscal, le renforcement du recouvrement des arriérés, la lutte contre la fraude, la corruption et la contrebande, la sensibilisation continue et l'éducation des contribuables, la mise en œuvre des programmes de facilitation du commerce, le territoire douanier unique et le système de paiement électronique, pour n'en citer que cela. La célébration de la journée du contribuable, édition 2020, sera essentiellement marquée par des activités orientées vers la sensibilisation et la lutte contre la fraude fiscale, douanière et la contrebande. Cette déclaration du commissaire général de l'OBR a été faite notamment lors du lancement de la journée internationale du contribuable, de la journée du contribuable qui sera célébrée le 3 décembre 2020 en province Ngozi. Le respect de l'applicabilité des normes internationales dans les juridictions permettra aux magistrats et avocats de bien trancher les procès dans le respect des droits de l'homme. Propos du secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH, lors d'une formation à l'intention de ses agents de la justice. Marius Roussoumo ajoute que les inquiétudes sur les mœurs ne peuvent pas constituer une entrave à leurs activités s'il y a respect de ces normes et des droits de l'homme. Reportage de Jean-Marie Maillot. Lors de cette formation des magistrats et avocats, les participants ont soulevé leurs inquiétudes dans l'applicabilité de ces normes internationales, étant donné que certaines de ces normes internationales ne se conforment pas à la culture burundaise et aux mœurs. L'inquiétude n'est pas tellement grande, mais c'est sur l'applicabilité des normes internationales relatives aux droits de l'homme. Ce qui pose le problème, c'est l'applicabilité. Comme ces dispositions internationales, notre double principe, il faut qu'il y ait une loi interne qui intègre les valeurs positives de cette norme internationale. Comme la Constitution est une loi organique supérieure à toutes les autres lois internes, étant donné que ces conventions internationales ont un caractère, la supraconstitutionnalité, cela montre que ces textes devraient ipso facto être appliqués, devraient être mise en œuvre, devrait être consultée par le juge burundais dans la motivation de ce jugement. Bizimana Désiré, procureur de la République à Kayanza, dit que la formation a été bénéfique. On est prêt à faire la restitution de tout ce que nous venons d'apprendre. On va partager à nos collègues, on va aussi partager à nos OPJ, à tout le monde et à l'administration aussi, parce que si on parle de la violation des droits de l'homme, mais cela ne concerne pas seulement les praticiens de droit, il y a aussi l'administration. On va faire travailler en synergie afin que les choses s'améliorent. À toutes ces inquiétudes, le secrétaire général de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, Marius Roussoumo, il a tranquillisé ses magistrats et avocats tout en leur demandant de respecter la constitution du Burundi et du droit de l'homme. Il ne peut même pas y avoir d'inquiétude à l'usage des normes juridiques internationales, parce qu'il y a d'abord la suprématie du droit international par rapport au droit interne. Et au niveau interne, c'est la suprématie de la Constitution par rapport à d'autres lois, des règlements. Ce qui est important, c'est de voir ce qui protège les droits de l'homme. Cette formation qui a débuté ce jeudi dans la province de Karusi a vu la participation des magistrats et avocats des provinces de Ngozi, Kayanza, Muyinga et Kirundo. Depuis Karusi, Jean-Marie Mayonga, Radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. À 13h passées de 5 minutes dans les studios de la radio Isanganiro, poursuivons ce journal. Des représentants provinciaux du parti FNL demandent au président de ce parti la convocation d'un congrès extraordinaire pour mettre en place de nouveaux organes. Dans une correspondance rendue publique, ils accusent le président du parti au niveau national de manquements politiques graves dans la gestion personnelle de la trésorerie et de toutes les fonctions, ainsi que l'interdiction des échanges politiques au sein du parti. De leur côté, le président du FNL, Jacques Guilimana, de même que le comité exécutif du parti, l'ont qualifié cette correspondance d'inutile, estimant qu'elle est contraire au texte régissant le parti. Eline Berenibigil. Dans cette correspondance signée par 12 sur 18 représentants provinciaux du parti FNL, ils évoquent que le patron de ce parti au niveau national, dans son discours, semble avoir exprimé sa démission de façon indirecte. Monsieur le président du parti, lors d'une réunion du 10 octobre 2020 à Bujumbura, vous avez dit que vous n'êtes plus capable de diriger et d'assurer des responsabilités politiques du parti FNL ainsi que de défendre d'autres intérêts politiques du parti, trouve-t-on dans cette correspondance. Une autre accusation contre Jacques Bigirimana, c'est d'avoir dit dans ses propos qu'il n'y avait pas de dérangements politiques venant des représentants provinciaux et communaux du parti pour lui faire part des problèmes de son parti. Ils affirment que leur leader aurait dit que les permanences du parti au niveau communal et provincial ne sont plus nécessaires. Dans cette même lettre, les représentants provinciaux du parti FNL montrent que les affaires économiques et politiques du parti sont gérées par le président lui-même, expliquant qu'il devient secrétaire général et porte-parole du parti, ajoutant que toutes les décisions du parti sont prises sans consultation des membres et des organes du parti FNL. Bigirimana, président du parti FNL, toujours dans cette même correspondance, est accusé d'intimider tout leader du parti soulevant un avis contraire dans les réunions. Ses représentants provinciaux du FNL disent être menacés d'emprisonnement ou de perdre la vie une fois qu'une idée contraire à celle du président du parti est avancée. Pour ce, les 12 signataires de cette correspondance demandent que leur sécurité soit assurée. Contacté à ce propos, le président du parti FNL rejette en bloc ces accusations. Jacques Bigirimana répond à la rédaction de la radio Isanganiro que cette correspondance n'a pas de valeur. Selon lui, de même que le comité exécutif de son parti, le congrès extraordinaire est convoqué par le président du parti ou les deux tiers des membres du bureau politique du parti. Autre chose mentionnée par Jacques Bigirimana, les représentants provinciaux du parti n'ont ni accès ni droit au cachet. Merci Elini Bere Nivigira. Les commerçants de la commune Kawarore en province Kayanza, surtout ceux des produits vivriers, disent qu'ils travaillent à perte depuis la fermeture de la frontière rwando-burundaise dite Kanyaruho. Ils demandent au gouvernement de prendre des mesures de sécurité sanitaire contre la COVID-19 au niveau des postes frontières en vue de la reprise du commerce transfrontalier. Patrick Nsengiyumva, reportage. Ces commerçants de la commune Kabarore qui disent qu'ils travaillent à perte depuis la fermeture de la frontière rwando-burundaise dite Kanyaruho sont principalement les vendeurs des produits vivriers comme le haricot, le riz, la pomme de terre ainsi que le sucre. Les mêmes commerçants font savoir qu'avant la fermeture de cette frontière, ils exportaient leurs produits au Rwanda et que de retour, ils saisissaient de cette occasion pour importer certains produits vivriers comme la pomme de terre, ce qui leur permettait l'augmentation du bénéfice, témoigne-t-il. Ces vendeurs indiquent que les conséquences liées à la fermeture de la frontière rwando-burundaise sur les activités commerciales sont multiples. Il précise que sur la longue distance qu'ils sont obligés aujourd'hui de parcourir pour s'approvisionner en marchandises, s'ajoute également la hausse du prix d'achat, ce qui consécutivement engendre la hausse du prix de vente, explique-t-il. Les acheteurs aussi de leur côté grognent que le prix d'achat à chaque produit a été revu à la hausse alors que les revenus n'ont pas changé. Et les vendeurs et les acheteurs de cette circonscription tous demandent au gouvernement l'ouverture sécurisée des frontières afin que le commerce soit renouvelé. Bernard Minan, conseiller technique en charge du développement en commune Kabarore, indique que suite aux activités commerciales qui ne fonctionnent pas bien, la caisse communale a déjà enregistré environ une perte de 20 millions de francs burundais de recettes fiscales ces 6 derniers mois. Et dans l'attente de la décision prise par le gouvernement, c'est ce que demande la population qu'il représente. Cet administratif leur demande d'améliorer le rendement agricole afin qu'il y ait des produits à consommer localement et d'autres à écouler sur le marché. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick Nsengiyumva. Le président de la République demande aux gouverneurs et administrateurs de s'assurer que la population ne songe plus aux problèmes du passé. Dans une rencontre de ce vendredi, le président Évariste Ndayishimiye les a appelés à trouver toujours des solutions aux préoccupations des administrés. Jean-Claude Karegwa, il est le porte-parole du président de la République. Suivez-le. Le chef de l'État vient de tenir à l'intention des gouverneurs de province et des administrateurs communaux, fait suite à une série de descentes que le chef de l'État a effectuées partout dans les provinces du Burundi pour partager avec ses responsables des entités territoriales comme les provinces et les communes sur la philosophie, sur les projets programmes du gouvernement qu'on qualifie de désormais de l'étendue et de l'étendue. Donc le chef de l'État est revenu sur les chapitres de cette descente qu'il a bouclée il y a quelques semaines. Mais en outre, il est revenu sur d'autres préoccupations du gouvernement, sur d'autres projets et programmes que ces administratifs doivent prendre en main. Entre autres, augmenter la production, s'assurer que les problèmes qu'a rencontré la population dans le passé soient une histoire du passé. Ici, le chef de l'État appelle ces administratifs à être des solutions aux problèmes de la population plutôt que d'être des problèmes à cette population comme cela s'est observé dans le passé. Le chef de l'État recommande à ces administratifs de tout faire pour augmenter la production et s'il y a un surplus de la production, il est dit que le gouvernement a pris des mesures qui consistent à collecter le surplus pour procéder à sa transformation ou à sa redistribution dans les entités où il y a peut-être des pénuries ou des carences. C'était Jean-Claude Ndenzako, porte-parole, Karigwa Ndenzako, porte-parole du président de la République. Avant de terminer ce journal, permettez-moi de faire le rappel des titres. La convocation d'un congrès extraordinaire du parti FNL, telle est la demande des représentants provinciaux aux organes et dirigeants de ce parti. Dans une correspondance leur adressée, le président de ce parti, Jacques Grimana, et son comité exécutif qualifient cette correspondance d'inutile, car contraire au texte régissant ce parti. Un surplus de 115 milliards sur les recettes prévues pour l'exercice 2019-2020 a été enregistré par l'Office burundais des recettes OBR. Audace Nyonzima, commissaire général, explique que cette augmentation des recettes est due à la hausse du nombre des contribuables et non à la hausse des taxes. 99 employés de la Sogestar Kirundo, Ngozi et Muyinga ont organisé un sit-in au bureau provincial de Kirundo. Ils réclament les arriérés de 15 mois de salaire et les cotisations de l'INSS. Il demande une réponse à 3 lettres adressées au gouverneur en vue de les aider à résoudre ce problème. Le gouverneur de Kirundo interpelle les dirigeants de la Sogestal de régler ce différend en accord avec le Code du travail. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal qui vous a été présenté par Armele Mutore. Toussaint Mitebouti était à la cabine technique. Au revoir.